cinquième période à partir de 18h, donc vous avez échappé à ça. Donc le cours est une introduction à la communication politique. Le but, bien sûr, c'est d'éveiller une réflexion critique sur le domaine de la communication politique. Bien sûr, les stratégies mobilisées par les partis, la communication des leaders. Alors, évidemment, c'est probablement une des années les plus intéressantes, les années récentes les plus intéressantes pour travailler cette question-là, avec les élections qui s'annoncent aux États-Unis, en France, le processus des primaires. Donc, on aura, je pense, pas mal de choses à voir, pas mal d'exemples également à vous soumettre sur ces différents moments électoraux. Alors, on va s'intéresser également aux transformations liées à cette pratique de la communication politique. Donc, on va regarder du côté des professionnels, la relation également d'interdépendance avec les médias. Quel est le rôle des médias dans cette fabrication de l'image du politique. Et à partir du cas concret, on va proposer un regard critique sur des phénomènes comme les campagnes électorales, mais également les résultats des sondages d'opinion, l'historique également de l'évolution des stratégies de la persuasion politique. Et c'est ce qu'on va déjà voir aujourd'hui dans l'introduction. On va parler de ce qu'on appelait avant la propagande, en fait, enfin une petite histoire en accéléré de la propagande, de la publicité politique, du marketing politique, et aujourd'hui du branding, en fait, des marques politiques. Vous voyez qu'il y a vraiment de thèmes qui seront abordés au cours de ces prochaines semaines. Alors, donc c'est un cours qui est en fait au cours donné par François Vrick, dont je suis suppléant depuis l'année dernière. Il y a un syllabus également pour ce cours, donc, qui reprend la plupart des concepts, les éléments théoriques, mais évidemment, les éléments et les exemples tirés de l'actualité, parfois l'actualité de la semaine, ne s'y retrouvent pas. Donc ça vaut quand même la peine de venir. Et alors, donc, puisque ça vous intéresse, je suppose, l'examen, ça c'est fait, on n'en parle plus. Donc un examen tout à fait classique avec des questions ouvertes, normalement, je pense 5 questions qui valent plus ou moins la même chose, sur des éléments, bien sûr, conceptuels, vus au cours, mais à chaque fois, qui devront être illustrés par des cas concrets, par des exemples qu'on aura soit vus au cours, qui seront directement tirés de l'actualité. Donc moi, pour me présenter quand même, parce que vous n'avez peut-être jamais vu, donc Nicolas Maguerre, je suis professeur ici, maître de conférence à l'ULB. Je donne un autre cours en bac 2, de communication des organisations. Je suis également prof à l'IEX, en communication politique et en communication stratégique des institutions européennes, etc. Donc si ça vous intéresse, vous avez du temps à perdre dans mon cours, vous allez voir que j'ai un blog où je publie les dernières méchancetés que j'ai dites dans la presse. Et donc, bon, et désolé, j'en publie aussi, vous allez voir. Peut-être que certains reconnaissent le diplôme, mais je ne dors pas beaucoup à cause de Netflix. Donc, peut-être que ça influence quelque peu mes slides. Alors, pour s'intéresser, ouais, pour montrer tout de suite de quoi il sera question ces prochaines semaines, donc, je l'ai dit aujourd'hui, communication politique sur l'historique, très bien. La semaine prochaine, on s'attaquera en fait à la communication politique d'après-guerre. On verra que, évidemment, toute cette séquence de propagande qu'on va voir aujourd'hui, elle a été évidemment critiquée, et évidemment, avec les dérives qu'elle a amenées avec elle. Et on va déjà parler du politicien comme Marc. Vous voyez, on va relativement vite dans ce survol historique pour vraiment arriver à des questions contemporaines qui nous permettent justement d'avoir les outils de décryptage de l'actualité politique aujourd'hui. C'est vraiment le sens et le but de ce cours. Alors on va dédier un cours entier à la question des sondages. Donc là, je vous demande vraiment en tout cas d'être présent parce qu'il va falloir s'accrocher, c'est relativement important. Et d'autant plus important que, comme vous le savez, les sondages sont omniprésents en cette période pas seulement d'élection, mais à tout instant avec les baromètres politiques, avec les courbes d'intention de vote, avec les courbes de popularité. On va s'intéresser un petit peu à tout ça. On va s'intéresser à la question de la professionnalisation de la communication politique avec, je l'espère, un guest speaker, donc quelqu'un de la profession qui viendra nous parler. L'année dernière, on a eu Frédéric Codernier, donc le porte-parole du Premier ministre qui est venu. Je ne sais pas parlera également de, encore une fois, de cet impact des médias, de la télévision sur cette communication politique, avec un cas concret. On analysait la communication du Front National en France, enfin dans les médias, y compris en Belgique. On va s'intéresser à l'émotion, la politique du pathos, donc le sentiment, l'émotion qui prend une importance considérable aujourd'hui dans les discours politiques et dans le traitement également de l'image des politiciens. On va s'intéresser à la communication publique, je vais en dire un mot dans un instant, pour bien faire la différence entre les deux. Les enjeux de sur du numérique, qui ne sont plus aujourd'hui, je dirais, une option qu'a le politique, mais qui font partie intégrante de sa communication. Toute communication aujourd'hui est multicanaux, est transposée sur les différents canaux de communication, donc y compris sur Internet. La question du populisme et la question des mouvements. Des mouvements qui émergent pour le moment, des mouvements de protestation ou des nouvelles matérialisations de la politique, que ce soit le Parti Pirate, Podemos ou un certain nombre de mouvements qui ne sont pas nés comme tous les autres, avec une hiérarchie classique, etc., mais souvent émergent justement soit des réseaux sociaux ou d'un engouement populaire. Donc on va s'intéresser un petit peu à tout ça. Et puis la question de la bipolitique, pour terminer en beauté, on va aussi parler du charisme. Et de la communication non verbale, donc dont on parle peu rarement à l'université, c'est d'ailleurs, je pense, un tort, puisque, comme vous le savez, lorsqu'on regarde un politique, une femme politique à la télévision, on scrute pas seulement son discours, mais également son attitude, son visage, ses gestes. Donc, on s'intéressera également à tout ça. Alors, il n'y a pas vraiment de définition que je voudrais donner dès à présent à la communication politique. J'ai déjà dit qu'elle recoupait un certain nombre de concepts, du point, le marketing, la propagande, la publicité politique, etc. Donc on verra ça dans les semaines qui viennent. Très important, cette différence que l'on peut faire, que l'on doit faire en fait, entre la communication publique et la communication politique. La communication politique, donc, l'objet principal de ce cours, c'est bien la communication des élus. C'est cette idée de, à travers la communication faite par les partis et par les leaders politiques, de vous convaincre, de parfois retourner l'opinion, de vous inciter à voter pour tel ou tel programme, tel ou tel leader politique. Il y a des outils pour ça, qui relèvent soit du marketing électoral, du branding, du storytelling, dont on parlera également, mais donc il y a une volonté de persuader, de séduire, et bien sûr de convaincre. Alors, la communication publique, c'est un petit peu différent, c'est la communication administratif, vous le voyez là, et la communication des gouvernements. Donc, tout typiquement, lorsqu'un un ministère, par exemple le ministère de la Santé publique, ou un ministère de SPF, transport, mobilité, etc., communique sur les dangers de l'alcool au volant, par exemple. Hein, ou plus récemment, vous savez, pire que l'alcool, les Pokémon au volant, effectivement, vous voyez le gouvernement français qui explique aux dresseurs, s'ils existent encore, parce que c'est apparu, mais c'est tombé en désuétude aussi rapidement. Si tu joues en conduisant, tu ne les captureras pas, etc. Donc ça, typiquement, c'est un exemple de communication publique où le but, en fait, est de communiquer pour l'intérêt général, vis-à-vis du grand public, pas pour persuader, convaincre et essayer de séduire, mais plutôt pour informer le grand public par rapport aux grandes questions, aux grandes politiques de prévention menées, par exemple, ou aux questions d'ordre public, etc. La communication politique, elle recouvre énormément de champs, et elle fait souvent aussi du hors-champ, du hors-piste. Hein, donc on va avoir des exemples tout au long du cours qui paraissent un petit peu bizarres, mais qui font aussi partie de la communication politique. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce candidat qui s'est fait battre finalement par Donald Trump lors des primaires républicaines. A few things I enjoy more than on weekends cooking breakfast with a family. Of course, in Texas, we cook bacon a little differently than most folks. Thank you. where do I go? Oui, donc il y avait Pierre que Donald Trump, en fait, durant cette campagne. Donc, comme vous pouvez le savoir, donc Ted Cruz, candidat, quand même, qui est arrivé juste derrière Donald Trump dans les primaires. Alors, aujourd'hui, donc, on va parler de la propagande, qui est le vieux nom, en fait, de la communication politique. Alors, on va s'intéresser à ça la prochaine heure, en tout cas. Et il est relativement difficile de faire débuter, en fait, l'histoire de la communication politique. Alors, je vais peut-être poser une question, on n'est pas dans un examen, donc, votre avis, quel a été le premier dispositif de propagande ou de communication politique? Qu'est-ce qu'on a inventé pour faire de la communication politique en premier, selon vous? Il y a longtemps. Bien avant. Oui. Ah, le mausolée, donc. Un bâtiment. Orateur public. Alors, en fait, on est vraiment dans le monde. Donc, il y a effectivement, durant l'Antiquité, qui est très important, on a déjà fait la communication politique à travers le discours. On en parlera d'ici quelques semaines avec les sophistes, avec Protagoras, qui a effectivement été l'un des premiers communicants politiques. Et évidemment, les bâtiments, les monuments, et c'est effectivement ce qu'on appelle la communication monumentale. Alors, monumentale au sens architectural du terme, donc instruire par l'exemple, donc instruire en construisant des monuments qui marquent bien sûr le territoire, qui marquent également les consciences. Alors c'est bien sûr l'âge de pyramide, c'est l'âge des arcs de triomphe, des défilés également, qui sont une forme de monuments en mouvance, hein, des humains qui forment une sorte d'entité monumentale. Et donc c'est l'aspect le plus visible et le plus archaïque, finalement, de la communication politique. Alors cette communication monumentale, elle n'est pas du tout reléguée aux oubliés de l'histoire, donc c'est pas quelque chose qu'on a laissé tomber au cours des siècles. Au contraire, vous voyez que vous avez d'un côté une ancienne arche extrêmement bien sûr, ancienne de l'époque romaine, et puis bien sûr la défense à Paris, vous avez finalement la réinterprétation du XXe siècle de cette arche. Et c'est assez intéressant puisque du côté, en tout cas en France, la plupart des présidents de la Ve République ont toujours voulu marquer leur mandat par la construction d'édifices relativement imposants et symboliques. Hein. Alors, il y a eu, bien sûr, la Défense, tout le quartier de la Défense, la pyramide du Louvre, sous François Mitterrand également, la Grande Bibliothèque, et vous avez vu comme ça chaque président français vouloir marquer le territoire, en particulier la ville de Paris. Alors, Jacques Chirac, c'était le musée du Quai Branly, avec donc le musée dédié aux arts primitifs, édifié par Jean Nouvel, l'architecte Jean Nouvel. Et alors, tout à fait récemment, et ça prouve qu'il y a aussi une sorte de basculement, je dirais, de l'importance du politique ou une transmission du pouvoir vers d'autres sphères, où ce n'est plus le politique, le public qui construit les grands bâtiments, mais c'est désormais les marques et les grandes entreprises qui, si vous me permettez l'expression, qui marquent justement l'espace public, le territoire de la ville, avec la fondation Louis Vuitton, tout à fait récemment, à Paris également, qui a été inauguré par François Hollande. Donc ce n'est plus le politique qui marque le territoire, mais plutôt le privé et les grandes entreprises françaises. Alors, bon, ce n'est pas bien sûr réservé à la France. En Belgique, vous avez vu il y a quelques temps, donc, on a inauguré la tour de police à Charleroi. Je sais des gens de Charleroi ici, mais donc c'est également Jean Nouvel qui était à l'origine, en tout cas, de ce bâtiment. Et donc là aussi, la volonté, c'est de marquer symboliquement le pouvoir sur un territoire. Bon, alors malheureusement, comme vous savez peut-être, en tout cas, cette tour de police prend l'eau, elle n'est pas tout à fait étanche, un petit peu comme les travaux qui ont été entrepris à Mons, donc le fameux Mikado d'Arles 15 qui s'est écroulé plusieurs fois, et puis cette fameuse gare de Mons, qui là aussi est symboliquement censée marquer le pouvoir, en l'occurrence la marque, l'empreinte d'un élu du repos, mais qui aussi est un petit peu, je qui, de temps à autre, essaye en tout cas de laisser son empreinte sur le map monde ou sur le territoire d'une ville, comme il y a quelques années, Benoît Hugen, président du CDH, qui voulait carrément construire une nouvelle ville, donc l'Alouvière-la-Neuve, hein, c'était pas le nom le plus simple à retenir, en estimant que voilà, il était temps de construire une nouvelle ville pour accueillir une dizaine de milliers de personnes. Donc là aussi, c'est quelque chose qui est, je dirais, dans l'ADN du politique, hein, donc cette communication monumentale et territoriale. Alors, ça, c'est vraiment, je dirais, la première étape. Le terme propaganda, donc de propagande en lui-même, c'est en latin ce qui doit être propagé. Donc là, effectivement, on est davantage dans les discours. Alors ce qui doit être propagé, c'est donc un message qu'il faut faire circuler pour qu'il touche un maximum de personnes. Et pourquoi ? Eh bien pour les mettre en condition. Donc ça, le propos et l'objectif des grandes entreprises de communication du Moyen-Âge, les croisades, là aussi, on essayait de convaincre la population d'aller se battre, ou faire peur, à travers par exemple l'Inquisition, pour établir ou maintenir un pouvoir religieux ou dogmatique sur les populations. Donc là, l'idée c'était de propager une parole, ou un dogme, une doxa, pour, encore une fois, mettre les gens en condition, la population. Alors, la propagande, elle vient et elle appartient à cette époque-là au vocabulaire ecclésiastique, au vocabulaire religieux. Donc, le pape Grégoire XV au XVIe siècle a mis en place ce qu'il appelait la congrégation de la propagande. Donc là, le but, c'était déjà de répandre la religion catholique et de lutter, bien sûr, contre les hérétiques. Et évidemment, c'est surtout le développement des techniques de l'imprimé, donc le développement des techniques de l'imprimé après Gutenberg, qui va favoriser la propagation des idées au temps de la Réforme. Hein, donc pourquoi est-ce que le pape Grégoire XV a mis en place une congrégation de la propagande ? Eh bien, c'était pour lutter justement contre cette propagation des idées protestantes à travers l'Europe. Hein, et donc, avec au temps de la Réforme, la Bible de Luther, qui a bénéficié justement de ces nouveaux moyens de communication, de ces nouvelles techniques de l'impression, qui a permis la propagation du message. Alors, donc l'idée, c'est cette réforme protestante qui symbolise véritablement cette image qui se développe d'abord dans un temps, puisque la plupart des gens, à cette époque-là, bien sûr, ne savaient pas lire, donc c'est avant tout les images que l'on essayait de colporter, de communiquer à travers les différents pays. Et Luther lui-même estimait que l'image est le livre de ceux qui ne savent pas lire. Donc, pour lui, c'était très important également de symboliser par les images ses positions, ses prises de position vis-à-vis de l'Église. Et il l'a utilisé très largement dans ses pamphlets, dans ce qu'on appelait des libelles, comme celui qui s'intitulait « Contre la papauté romaine, fondée par le diable, avec 10 images de Lucas Cranach ». Alors, Lucas Cranach, c'était un illustrateur, un graphiste, on dirait aujourd'hui, qui a effectivement illustré la plupart de ses pamphlets de Luther et qui a permis, encore une fois, cette propagation de la parole protestante. Alors, on peut également évoquer la communication un petit peu plus tard des monarques absolus, tels, bien sûr, Louis XIV, qui combine, d'une part, un monumentalisme tout à fait évident avec la construction du château de Versailles, et la création d'une cour. Hein, donc c'est déjà la logique de réseau. La cour, c'est le réseau. On essaie d'attirer autour de soi les dignitaires, les nobles, les puissants du royaume pour, d'une certaine manière, les maintenir à une distance relativement proche pour exercer une influence sur eux, et ne pas, en tout cas, éviter qu'ils fomentent des rébellions dans leur fief, dans leur région. Et donc c'est également l'âge de ce qu'on appelle à cette époque-là déjà l'art total. L'art total qu'on va retrouver un petit peu plus tard dans nos exemples, par exemple au moment du Troisième Reich. L'art total, c'est quoi ? Eh bien, c'est réunir une communication monumentale, une communication du pouvoir bien entendu à travers les réseaux, mais également une communication de type esthétique. Hein, donc, on verra un extrait dans un instant d'un film que vous connaissez peut-être, Le Roi Danse, il y a une quinzaine d'années, où le roi, à l'époque, en tout cas surtout dans sa jeunesse, combinait les arts comme la musique, comme la danse, et la logique de réseau, encore une fois, pour asseoir son influence sur les autres nobles du royaume. Donc la danse, ce n'est pas uniquement pour s'amuser, c'est surtout une mise en abîme, une mise en scène du pouvoir à cette époque-là. Et donc Louis XIV était un grand danseur, mais il fallait être un grand danseur pour justement symboliquement incarner ce pouvoir. On va voir cet extrait. Lui était le compositeur de la cour à l'époque. Communication du corps. justement, c'est devenu addictif pour Vladimir Poutine, donc il y a cette volonté de mettre en scène ce pouvoir, ce corps, cette incarnation du pouvoir à travers un homme fort qui est le meilleur dans tout, hein, donc meilleur au hockey, en Formule 1, etc. Donc même, non, ça c'est exagéré. Donc effectivement, il y a cette tendance aujourd'hui, et pas uniquement du côté de chez Poutine, de mettre en scène sa propre personne, son propre corps. On en parlera d'ailleurs vers la fin du cours, pas aujourd'hui mais dans quelques semaines, justement de cette place en tout cas qu'a pris